c'est la MyFi. It's a new day, it's a new life. I'm feeling. Bonsoir et bienvenue. Nous sommes le vendredi 14 janvier 2022. Il est 22h à Montréal et c'est aujourd'hui le grand retour de votre petit show radio qui dormait tranquillement depuis plus de 3 ans maintenant. Oh, joie de vous retrouver, chères auditrices et auditrices, et de vous accompagner tout au long de cette nouvelle saison hivernale à grands coups de chansons éternelles et autres brillants moments d'émotion que l'on espère aussi intenses que ce doux vent de liberté qui souffle actuellement sur nos vies et sociétés. Et puisque nous venons il y a peu de quitter 2021, nous allons entamer les premières émissions de cette nouvelle saison en regardant dans le rétro et en se penchant sur ce qui nous a le plus enjoué, ému, surpris ou même attristé tout au long de cette année passée. Vous êtes bien sur les ondes de CISM au 89.3 FM et c'est le retour de la MyFi. Vous pouvez l'ouverture de ce premier numéro rétrospectif de La MyFi avec une des plus belles découvertes de l'année, le premier album d'un jeune homme de 22 ans d'origine ghanéenne et d'adoption australienne. Un album qui néanmoins n'évite pas quelques faux pas, mais qui résonne comme un des plus beaux exemples de musique hybride de cette année passée, une sorte de pop mêlé nourri au funk, à la soul, au punk et au hip-hop. Nous venons d'écouter The Other Black Dog, extrait de Smiling With Notice, premier long format de Genesis au Wuzhou. On enchaîne avec une autre belle révélation de cette année 2021, pas vraiment une découverte puisqu'il est déjà l'auteur de deux EP et d'un premier LP paru en 2019. C'est donc avec son sophomore effort que le Britannique d'origine nigérienne est revenu sur le front cette année, et c'est pour moi tout simplement la médaille d'or 2021 dans la catégorie hip-hop anglophone. Alors certes, il y a bien un ou deux moments dont on aurait pu être aisément dispensé, mais le reste du disque est assez surprenant, notamment par la mélancolie dont il est habité d'un bout à l'autre, et souvent avec une justesse que l'on entend rarement dans le hip-hop d'aujourd'hui. L'autre fait marquant se trouve dans le mix, et cette voix étonnamment mise tant en avant, sauf que le timbre, le flow et la précision rythmique comme tonale du londonien font que l'ensemble fonctionne à merveille. Nous écoutons tout de suite Dev et sa splendide pièce d'ouverture dans laquelle on trouve la phrase clé de cet album et la morale de toutes nos histoires. We're all alone in this together, right? I remember when I used to be innocent. Ain't shit changed, I'm a young black belligerent. Child of an immigrant, lifestyle frivolous. Round here we keep bad company, couldn't people pay dividends? What's the point of being rich when your family ain't? It's like flying first class on a crashing plane. Dinners with the same niggas, just higher bills. And all the models Himalayan, they got higher hills. You know we're all alone in this together, right? You know the seats in the Aston Red Leather light. Yeah. I had dreams of doing architecture. Or sitting through a Harvard lecture. How the fuck I end up being Harvey Specter? Young black art collector, I could take the pressure. Had scales, now suits that come made to measure. I drew the thin line between love and hate, double dick. You drinking, let me cut the games. Backstabbing man, I'd rather that you cut my face. If I ain't charming the women, it's all the fucking snakes. You idolize the girl, there's no way I wife it. She only fucks with rich niggas, that's the way I like it. I can't fabricate the truth, it's just the way I write it. You got points in your creative license. Ass raps, that's a criminal graduating in civil law. Nothing ain't civil but the civil war. Grip of four, Gryffindor, it's a lab lying on your chest. I got 99 marks and wasn't trying on my test. I'm blessed. Why? Because the pastor is Gambaroni, the watch is a classic Roly, the pussy is sacred, it's holy like matrimony. I'm paying the alimony to numb all the acrimony. The flight is the Santorini, the car is a Lamborghini, the cheese, the cheddar, the mozzarella, the fettuccine, the only aim. Look at my ego in a day and a life. You see what happens when you got the fucking game and a vice. We're all alone. I got a message from a kid on Sunday morning, said he don't know what to do and that he's thinking of killing himself. Me and him got more in common than he thinks, but I tell him to see a shrink so I can go on and live with myself. I knew that my life was a film from when I had to share a bed with my mum and I was pissing myself. I just want my flowers while I'm here so I can put them at the front of the grave that I've been digging myself. I grew up in a two-bed flat with seven people living with me, you don't know what I did for myself. My mum's the one that gave me opportunities and put me in positions that I couldn't have pictured myself. We're from Nigeria, Benin City, Sin City. Don't know what it's like, take a trip for yourself. Poverty's killing us, the government's killing us. If they ain't killing us, then we're killing ourselves. I will die for the niggas I love. My life's full of plot holes and I'm filling them up. I told mummy I ain't nothing like my father. I'ma show her there's a different definition to love. I tell my fans we're all alone in this together. You can trust me, all the shit that you've been feeling, you're feeling with me. We all took the wrong turns in different streets. We all cried the same tears on different cheeks. I got a message from a kid on Monday morning, said he's grateful I responded and he's feeling at peace with himself. Me and him got more in common than he thinks, but I tell him it's nothing big so I can go on and live with myself. I knew that God had cast me as the lead in something special when he messaged me and told me that I saved his life. In 23 years I've done so much wrong, but in that moment I just felt like I had made it right. I'm in the bathroom. Sorry. widow, zero care hero. 10-4 hat to the back or side, De Niro. Getting type of negro, send them back to zero. Simple physics, visit spirit, so cerebral. Chances like Knievel, scared money feeble. Grow up here, remain aware, dancing around with evil. Women casting spells within the atmosphere of your people. Posters and concoctions hot, a single sip is lethal. Outpouring alkalades, overseas masquerades. High degrees, dirty deeds take place in foreign caves. More action than boring raves, more drugs and all the AIDS. Torture slaves, ignore the graves. Behead the king and caught the wave, exercise. Naughty ways with a rule on the enterprise. Who the fool to get the prize? The game is televised, improvised, dead testify lies. Ooh, these thoughts in your mind. Son is acting like he ain't himself. He's making neighbors' brains melt and hanging them with chains and belts. We found him in the woods. We thought we raised him well, but he was a villain, maiming and killing by the age of 12. Levitating like he was demonstrating a sacred spell. If I ain't seen the spaceship crash, that's where we came from hell. Super strength, fucking low, never rang a bell. I was feeling safe, well, until he said safe or well. Horrific, bleak, nihilistic, freak, nihilistic, be realistic. This kid is a creep, gifted and unique. Yes, the mask is popping, blanket as a cape. There's no escape, I hope for stopping. And as far as human life's concerned, it's strange, you might learn. His eyes turn to fire, leave you with the bright burn. Bright burn, bright burn. Oh, these thoughts in your mind. Cela aura été une des disparitions les plus marquantes de l'année, puisque 2021 aura également été rythmé par la perte de bon nombre d'artistes de renom qui auront dévié le cours de l'histoire chacun à leur façon, de Phil Spector à Lee Perry, en passant par le définitivement mystérieux monolithe Doom, dont on aura appris le décès le 31 décembre 2020, deux mois après sa véritable disparition. Depuis, les hommages et autres enregistrements accomplis ante mortem n'ont cessé de voir le jour, avec en tête de liste ce second album de sa collaboration avec le trio Scissorface mené par Inspecta Deck du Wu-Tang. Très bon disque, un peu moins surprenant que le premier, comme souvent, mais qui reste sur le dessus du panier, forcément. Nous venons de quitter le titre So Strange, issu de Superwatt, Sophomore album de Scissorface et MF Doom. Ils étaient précédés par la palme du meilleur album de beat et instru de l'année, fruit d'une autre collaboration, inédite celle-ci et pas des moindres, deux maîtres chacun dans leur domaine, le hip-hop et l'électro. L'un a fourni la matière première, l'autre l'a manipulée à sa guise, c'était Madlib et Fortet. On poursuit dans la même veine avec un autre génie dans son domaine, sixième long format cette année et retour à ses premiers amours, moins de R&B décalé et plus de hip-hop hargneux mais non moins subtil. Un sixième album encore une fois moult acclamé, on le retrouve dans la quasi-totalité des différents tops de l'année et c'est sincèrement amplement mérité. En passant, je vous invite d'ailleurs fortement à aller jeter un œil à sa performance live au BET Awards. Grand moment, scénographie sidérante, deux intenses petites minutes 30 qui dégoulinent d'inventivité. Mais pour l'heure, nous écoutons Lumberjack, extrait de Call Me If You Get Lost, dernier album de Tyler, the Creator. Rolls Royce pull up, black boy hop out. Shout out to my mother and my father, they can pull out. MSG sell out, fuck these niggas yap bout. Whips on whips, my ancestors got their backs out. Too far, 500 stacks for the hood. Call me Lumberjack, cause I wish a nigga would rest. Do it like I, this the wish a nigga could face. They ain't getting paper like they should wait. Niggas ain't really on the type of shit he on. I hit Drizzy and told him I had a milli for him. I own my company's full, told him to keep the loan. I took that gold bitch home, niggas was big mad. I put that bitch on the shelf to let it ventilate. And bought another car cause I ain't know how to celebrate. That big boy, that big bitch for all weather. It never rained in Cali, came with an umbrella. Rolls Royce pull up, black boy hop out. Shout out to my mother and my father. father didn't pull out. MSG sell out. Fuck these niggas that bout. Good credit score, this car really can't max out. Too far, 500 stacks for the hood. Call me Lumberjack, cause I wish you never would. Digital lift the face, man, I wish you never could. Yeah. It's really different. Catch up, niggas. I might slut in Utah. LA's too warm. My nigga tall, look like a bitch. I call him Mulan. Solid color demo, don't finger the size of croutons. Niggas cannot fuck with performance. A magic nuance. That's my nuance. Used to be the widow. Used to laugh at me, listen to me with their ears closed. Used to treat me like that boy Malcolm in the middle. Now I'm 0000000. Rolls Royce pull up. Zero. Black not boy seven. Hop now out. I can't take this shit no more. Select the best work, connect with the flesh like tech burst to sweatshirts. Wreck first, second, don't matter, we split the next earth's a massive, massive rap, prep to go to Africa. Compliments across the continents, the cost of confidence. Offenance, leaving opponents incontinent. Incompetent is how I leave you. Jack the Ripper in the Sega FIFA. Get Jack Tripper in the Regal Beat. Powerful and lethal, rhymes to diesel. My music to the people like a vein to a needle. You rap a see-through, dead devil, evil, Knievel. Just my cerebral, must be smoking on sour diesel. Gems I feed you, I don't deal with the feeble. I am not concerned with the opinion of a sheeple. A poor right to see ya, with the guard writer's ether. Bang elegant bitches, like the Mona Lisa. Yeah. It's not close, I stunt growth the utmost. Scatter broke bones around my throne as the blood flows. Rose jersey, one on my back, my gun shows that I've been at the gym. You've been at the buffet, stuffing it in. I'm a rap god, slap god out your frame. Pull my name out your mouth, everything I put out's flames. Sued to death, everyone now rip out brains over beats. Take names, you all get wasted in the blaze. Just what I play, what the fuck is charade? Life ain't about, we'll make it the fastest, ain't a race. Stuck in your waist, take this L to the face. The crowd gon' pray when the experts hit the stage. The inner saints spit with a lot of rage. You won't know what's in front of you unless you flip the page. Naughty by nature catches fate. I'm threatening the trend code, nigga, hip hop array. Man, I don't think they heard you. L'autre album de beat et de sound de l'année. Après plusieurs albums collaboratifs, le discret et non moins productif producteur de Caroline du Nord est revenu à sa source. Et il en résulte une cascade de jolies petites tracks gorgées de soul, de jazz, de blues et de gospel. C'était l'Orange avec The World Is Still Chaos But I Feel Better. Il était précédé d'un extrait de l'excellent second album du duo formé du Ghanéen Recon Aizali et du Chicagoan Verbal Kent. Toujours joliment sombre, sale et lo-fi, c'était Dueling Experts avec The Opinion of the Sheeple. On fait un dernier arrêt en terre rappée, versant francophone cette fois, avec ce qui est pour moi probablement le meilleur moment de hip-hop francophone de l'année. On le sait déjà depuis longtemps, mais cela ne cesse de se confirmer. Après 4 albums et plus de 20 ans en exercice, il reste la plume la plus aiguisée du hip-hop hexagonal. Voici Rossé avec Capitaliste, extrait du EP, point serré. Les repères sont tout éclatés, tu sais. égaré sur tous les aspects purés. On n'était pas trop préparé du fait que le monde allait s'éloigner du vrai. On m'a dit de sortir de la caverne, frère, pour voir la vérité, la lumière claire. Le soleil et has-been, c'est plus le critère, remplacé par néon publicitaire. Aujourd'hui n'est pas un bon plan, faut dire. Capitalistes font pas semblant de rire. Faut courir vite, courir longtemps, horrible. Prendre des risques sans prendre de temps aussi. Le profit nous a obsédés, c'est vrai. Le chemin peut pas proposer le respect. Posséder mais déposséder des clés. C'est quoi ce projet de société biaisée? C'est une impasse, c'est un trou noir donc. C'est un cul-de-sac qui mènera nulle part. Un piège caché dans un couloir sombre. Un pays en face de son pouvoir. Un pouvoir qui porte pas le pays, non. Un pouvoir qui affiche mépris blanc. Un pouvoir froid qui balbutie tant. Un pouvoir froid qui tarde du migrant. La bienveillance elle n'est pas sur la liste. Y'a aucune chance de faire pousser la vie. On est mangé par du capitaliste. Alors on meurt sur du capitalisme. Tourner en rond comme dans un tonneau vide. Prendre du recul ce n'est pas trop possible. Le regard froid, je ne suis qu'un prototype. Je me réchauffe grâce à mes gros sourcils. J'aime bien l'oseille mais c'est pas réciproque. Tu veux tout contrôler comme un cyborg. Tu veux écrire ta vie comme un sitcom. On connaît tous ton dernier épisode. Beaucoup de gens font rien parce qu'ils ont peur. Au lieu de faire pour toucher l'équilibre, j'aimerais transformer le malheur en fleur. Pour voir qui ferme le poing sur les épines. Tout ce qui est bon dans cette vie se fait descendre. Mais on ne fera pas du feu avec des cendres. Ils ont cassé humanité et gens. De l'Afrique à la cordillère des Andes. La bienveillance elle n'est pas sur la liste. Y'a aucune chance de faire pousser la vie. On est mangé par du capitaliste. Alors on meurt sur du capitalisme. Quand je parle politique personne me tolère. Deviens agressif et personne n'arrête. Pourtant je suis pas un ouf, je suis en colère. Pourtant vous êtes des oufs de ne pas l'être. Ce monde nous vend le dépassement de soi. Pas pour le sport mais pour un poste en stage. Comme ça tu t'exploiteras toi-même par toi. Pas pour l'oseille mais pour pas être en marge. Ça se voit que vous avez pas eu les rêves. Le salut viendra pas du MEDEF. Les actionnaires se prennent pour des elfes. Encouragez pas ce que les aides. La bienveillance elle est pas sur la liste. Y'a aucune chance de faire pousser la vie. On est mangé par du capitaliste. Alors on meurt sur du capitalisme. Vous êtes toujours sur les ondes de CISM au 89.3 FM et vous êtes au sein du premier épisode de la MyFi saison 2022. On poursuit parmi le meilleur de ce qui s'est passé l'année passée avec un tubiste londonien qui aura été brillamment présent à deux reprises cette année. D'abord avec son band Sons of Kemet dont le quatrième album est absolument excellent et également en solitaire avec un sophomore long format dans lequel se cache notamment un des plus beaux dubs de l'année. Voici Tian Cross. reggae roots dans les règles de l'art au point de réveiller en nous le fantôme des mythiques Congos. Le single Quicksand paru uniquement en 45 tours avec sa version dub en face B, toujours authentique et toujours là où il faut, les Français Stand-By Patrol associés au timbre britannique de Joe York. On reste dans les atmosphères ensoleillées, mais cette fois à la destination fort différente, avec un des titres les plus souriants de l'année, dans lequel pop, humour et dancefloor s'acoquinent. Et c'est évidemment sous Headbanger que cela a vu le jour. Passez d'ailleurs voir le clip, cela vaut son petit détour. Nous écoutons Let You Speak, extrait de Born Loser, premier album du français Mid. Find it hard to talk sometimes, let alone ask for help. so what? I guess I'm what they call my name. You remind me of who the people hate about myself. Now watch me, you get over it someday. Find it hard to talk sometimes, let alone ask for help. So what? I guess I'm what they call my name. This way longer than I can count, so that feeling can't catch me as long as I don't stop. And I move, I stop, I lose. This pain I choose not to take this to Tuesday. Every day stands like his toothpaste. This rate my life gone two ways. New day gotta watch my mind. At this point, you're what they call my name. You remind me of all the things I hate about myself. Now watch that you get over it someday. Sometimes I learn ask for help. So I guess you're what they call my name. You remind me of all the things I hate about myself. Now watch that you get over it someday. Find it hard to do sometimes. I done lived my whole life to write this. I can heal my whole world in my fist. I can build you back up just like this. I done died my whole life to live rich. It's magic, it's magic, it's magic, it's magic, it's magic, it's magic, it's magic, it's magic, it's magic, it's magic, it's magic, it's magic, it's magic, it's magic. Niggas want my whole frame, my whole frame. They don't know what come with it, I done things. They don't see my whole life, my whole pain. Don't believe in hell now, I seen things. Everything is gift, a star flying. Try to write me left field, I run things. Try to wipe my whole life, I'm still sane. Now I fix upon you, in your veins. It's magic, it's magic, magic. Smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash, smash. I learned things, God is at my fingertips and purse strings. All I want is mine now, I yield things. Every step designed out and carved lines. Every word is timed out to change things. It's magic, it's magic, it's magic, it's magic, it's magic, it's magic, it's magic, it's magic, it's magic, it's magic, it's magic, it's magic, it's magic, it's magic, it's magic, it's magic, it's magic, it's magic, it's magic, it's magic, it's magic, it's magic, it's magic, it's magic, it's magic, it's magic, it's magic, it's magic. It's magic, it's magic, it's magic, it's magic, it's magic. I can hear the whole world in my fist. It's magic, it's magic, it's magic, it's magic, it's magic. I've done my whole life to feel this. It's magic, it's magic. It's magic, it's magic. Cela nous vient de Memphis au Tennessee, et pourtant c'est du côté du londonien Ghost Poet que la filiation serait la plus évidente, notamment pour cette façon dont la voix est posée et traitée, et pour cette prégnance dub sous-jacente. Nous venons de quitter Left and Pass, extrait du troisième album de Don Lifted. Juste avant, nous sommes passés par une autre belle surprise de 2021, le pari réussi de Joseph Montelessien, qui pour la première fois de sa carrière et de celle de son band a invité différents artistes à prendre le micro à sa place le temps d'un EP. Et le choix des convives est fort intéressant, uniquement des jeunes et nouveaux acteurs et actrices des sons d'aujourd'hui, dont les récentes parutions sont toutes dignes d'intérêt, Spiltab, Sorry, Big Pig, Pinty et ce croisement inattendu que nous venons d'entendre entre le band de post-punk Folly Group et le rappeur Brian Nasty. Tout cela se retrouve dans le Posse EP Volume 1 de Métronomie. On poursuit la descente et on s'enfonce définitivement en terres sensuelles et langoureuses avec notre médaille d'argent des meilleurs albums de 2021. Le quatrième long format d'une demoiselle de Bristol qui était restée silencieuse depuis plus d'une décennie. Artiste unique qui n'aura cessé de briller quoi qu'elle ait fait, de ses premiers pas au bras de Tricky jusqu'à ses envolées en solitaire, l'ensemble recèle de moments éternels. Elle était donc de retour cette année avec un nouvel LP, épaulé en partie par celui sans qui Bristol n'aurait pas pris les mêmes rides, suivi de Massive Attack. Nous écoutons Pure Heart, extrait de Forever I Wait, dernier album de Martina Topleber. How can I know for sure where you will take me? Your heart is very pure, secure. I'm just so unsure. Do I need you? I don't know for sure. I don't trust myself. Distance I did.

comment on pourra me respecter. Il dit de rien au sado qui fabonne, avons plus besoin de se demander. Si Kava et John Deere n'auraient plus besoin de mourir, si Kava et John Deere ne montrent point si compliqué.